tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les entreprises après le Covid, une série de Rémi Dibowski-Douatte réalisée par Franck Lilin. Au départ de cette série, il y a ce premier confinement qui nous a plongés dans un moment inédit et a mis l'économie à l'arrêt avant de nous obliger à revenir sur des décisions et des usages qu'on pensait immuables. Alors pour commencer, les personnages. Un chef d'entreprise qui veut tout changer, un homme qui remonte le temps, un entrepreneur qui rêve de vertu, une économiste qui constate, un autre qui explique, une couturière qui croise les doigts et une retraitée qui entreprend. Ensuite, le décor. Des fermetures, des licenciements, des outils détruits, des cost-killers, la Bretagne, des masques, des décisions en chaîne, l'appât du gain, le textile, Pôle emploi, 25 000 mètres carrés et une renaissance. Aujourd'hui, deuxième épisode, on revient en arrière. L'histoire, elle commence début mars. Nos clients, acteurs de la distribution bio, acteurs de la mode, nous téléphonent en nous disant « Emeric, est-ce que vous pouvez nous livrer des masques ? On va en avoir besoin, on va devoir rester ouvert pendant le confinement. Merci de faire ce que vous pouvez. » Nous, comme d'habitude, on se tourne vers notre atelier en Inde de façon à produire des masques et les livrer le plus rapidement possible à nos clients. Il se trouve que le 17 mars, le gouvernement indien du président Modi interdit l'exportation de masques de façon à se réserver la production indienne pour les besoins nationaux. Je rappelle donc les clients et je leur dis « écoutez, désolé, ça ne va pas être possible ». Les entreprises après la Covid. Vers la relocalisation. De là, on s'est trouvé en fait face à un triple problème pendant cette période qui était fin mars. Une chute très forte de nos commandes. Nos clients, c'est des musées qui étaient fermés. C'est des acteurs de la mode qui n'avaient plus de clients. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation difficile. On n'avait plus de production. Le confinement avait lieu également en Inde et plus aucune production n'était possible. On avait des clients qui avaient besoin de masques et qu'on n'était pas en mesure de servir. À ce moment-là, on s'est dit, on va démarrer quelque chose en France. Et on savait que ça avait du sens. Et en même temps, on a une belle occasion de tendre la main à ceux qui ont perdu leur job. En fait, dans ce moment-là, on est surtout dans la réaction. On sait qu'on va vers quelque chose qui sera très grave pour l'entreprise, très grave pour l'emploi. On ne sait absolument pas combien de temps ça va durer. Il y a une inquiétude, et en fait, le mot ne va pas être très bien choisi, mais il y a aussi une part d'excitation que je ne comprends pas très bien. Il y a un peu le sentiment de fuir, il y a aussi un peu le sentiment de résister, de s'organiser pour faire face à un monde qu'on ne comprend pas, qu'on ne domine pas, mais dans lequel on va devoir s'adapter et dans lequel on s'adapte très vite. Un monde qu'on ne comprend pas, auquel il va falloir s'adapter. Ces mots-là reviennent souvent dans cette période troublée par la pandémie. L'entreprise est en première ligne dans cette nécessaire adaptation et parfois, comme chez Émeric Motin, le patron des Mouettes Vertes que nous entendons ici, la pandémie agit comme un accélérateur. Très vite, ce patron comprend qu'il faut relocaliser. D'ailleurs, au niveau national, la tonalité est au retour de la production et au retour de la souveraineté. En plein confinement, nous découvrons tous éberdués que la France ne produit que 22% des médicaments remboursés par l'assurance maladie. Or, entre 1995 et 2008, la France était le premier producteur européen de médicaments. La crise sanitaire a mis en exergue la nécessité de relocaliser les activités stratégiques pour le pays. On ne sait pas très bien vers quoi on va. Ça va être douloureux, ça va être pénible. Mais essayons de transformer ce moment en une opportunité pour les mouettes vertes. Et donc, c'est à ce moment-là que ce projet, on le discute ensemble, on le valide ensemble et on se dit qu'on y va. La pandémie remet fondamentalement en question l'organisation de la mondialisation telle qu'elle existe. Maxime Combes, économiste. Parce que c'est par l'interconnexion mondiale de l'ensemble de nos modes de transport, de déplacement, et qui a favorisé sa dissémination planétaire, mais également parce qu'elle a mis en exergue la fragilité de nos systèmes économiques, le fait qu'ils soient extrêmement dépendants du point de vue de leur approvisionnement. Et on l'a vu dans des secteurs extrêmement importants, comme le secteur médical, mais également d'autres secteurs. Et donc, du coup, on a une remise en cause de la globalisation économique par cette pandémie-là. Jusqu'où ira cette remise en cause de la globalisation et provoquera-t-elle un retour au bercail massif des entreprises ? Ce qui est sûr, c'est que le plan de relance du gouvernement inclut 15 milliards d'euros pour la relocalisation. Dans la foulée de cette annonce, le gouvernement dévoilait les 31 premiers projets lauréats du soutien à la relocalisation du plan de relance. D'autres n'ont pas attendu les annonces gouvernementales pour s'y mettre. Nous sommes à Plaintel, dans les Côtes d'Armor, avec Jean-Jacques Furan. Il est retraité, mais il a surtout été le patron de l'usine qui se trouvait là, en face de nous. Alors qu'en pleine crise sanitaire, la France manque de masques pour protéger les soignants et les travailleurs de première ligne, ceux qui sont au contact du public, cette entreprise française pouvait, jusqu'à sa fermeture en 2018, fabriquer jusqu'à 200 millions de masques par an. Pour comprendre ce gâchis monumental, il faut remonter quelques années en arrière. Alors ici, on est à Plaintel, dans la zone industrielle de la gare. Alors sur ce site, il n'y avait rien. Et M. Giffard fait donc partie de l'histoire que je vais vous raconter. C'est lui qui avait pris le risque de créer une usine ici pour changer d'activité, puisque M. Giffard avait une usine à Saint-Brieuc, dans le centre de la ville de Saint-Brieuc, un petit atelier dans lequel son père avait commencé à fabriquer des chapeaux en feutre. Lui a succédé à son père. Donc du temps de son père, l'activité était importante, mais la mode du chapeau feutre ayant fortement décliné, le fils a dit ben, « moi, il ne faut pas que je reste à voir le déclin survenir ». Et donc il a cherché des alternatives au chapeau feutre. On est dans les années 70. Et donc, M. Giffard se met en chasse de trouver une autre activité. Donc, il part aux États-Unis. Et aux États-Unis, il va à un salon d'équipement industriel et il tombe sur les masques de protection respiratoire. Et donc, il s'est dit, ben voilà, c'est un truc que je peux faire, quoi. Intuitif, du nez, comme on peut dire. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit, eh bien, pour faire des masques, je ne vais pas les faire dans mon atelier de chapeau-feutre, je vais construire une usine plus importante. Et donc il est venu à Plaintel, soutenu par le maire de l'époque, et il a construit son usine ici. Et lui, alors, parfois la chance sourit aux audacieux, il tombe juste au moment où la norme de protection respiratoire commence à se mettre en place. Il prend assez rapidement une place importante sur le marché du masque. Et à un moment donné, il était certainement le deuxième fabricant mondial de masques de protection respiratoire. Malheureusement, M. Giffard, vers la fin des années 80, meurt. Mais avant de mourir, il recommande à son épouse de ne pas vendre l'usine à n'importe qui, mais l'entreprise qu'il avait choisie, c'était une entreprise suédoise, leader mondial dans la protection auditive, donc bouchons d'oreilles et casques anti-bruit. Et c'est à ce moment-là où moi je suis arrivé, et c'est à ce moment-là où je me suis lancé dans la fabrication d'une ligne automatique de fabrication de masques, dont l'objectif était d'atteindre 1500 masques à l'heure. On tournait 24 heures sur 24. Et ça a permis de faire face aux commandes qui n'arrêtaient pas d'affluer. On était passé rapidement de 100 personnes à 250, puis 300, puis 350. Et ce qui était intéressant ici, c'est que avec les Suédois, on avait beaucoup d'autonomie. Donc, j'étais le patron de l'entreprise. Et puis, on est à nouveau racheté. Et là, petit à petit, l'autonomie qu'on avait ici se réduisait. Donc, on a un cost killer qui est chargé de réduire les coûts, d'embellir l'entreprise et puis de la vendre. Alors là, on est à la fin des années... enfin 97-98. Et puis on est devenu à ce moment-là le leader mondial dans les équipements de protection individuelle. Et donc la vente se fait pas si facilement que ça. Elle n'intervient qu'en 2010 où un groupe américain qui s'appelle Honeywell rachète l'entreprise. Honeywell fonctionne d'une façon financiériste à outrance, ce qui fait qu'il y a que la dernière ligne qui compte, la rentabilité. En 2005, épidémie H1N1. L'État français prend des dispositions importantes pour que les produits de sécurité soient disponibles et expédiés dans pratiquement toutes les communes de France, dont les masques. La ministre de la Santé de l'époque, Madame Bachelot, c'est elle qui demande qu'on constitue un stock de ces produits. Alors il y avait des masques, il y avait des tissus, il y avait du gel, il y avait un certain nombre de produits. Et pour les masques, c'est nous ici à Plaintel qui récoltons la plus grosse commande de l'État. Alors ces commandes de l'État ont occupé l'usine pendant à peu près 3 ans. Et il y avait eu un protocole de signer avec l'État, comme quoi l'État s'engageait pour la suite à continuer à commander des masques à notre usine, soit par rapport aux masques qui auraient été consommés, mais soit aussi par rapport aux masques dont la date de péremption aurait été atteinte. Ce protocole d'accord-là, qui avait été signé par le successeur de Madame Bachelot, M. Xavier Bertrand, n'a pas été respecté. Alors, avec l'importance des commandes de l'État, on n'a pu produire que pour l'État, ce qui fait que ça nous a obligés à délocaliser la fabrication ailleurs, en Tunisie, où c'était une usine du groupe, mais également dans d'autres pays, Chine, Brésil, par exemple. Et de plus, Honeywell, avec une approche d'un groupe dont seules les finances comptent, a considéré que la production de masques ne générait pas suffisamment de résultats qui correspondaient au ratio financier du groupe. Et donc c'est pour ça qu'ils ont laissé dépérir, c'est-à-dire que depuis 2010, ils n'ont pas fermé brutalement, ils ont commencé par faire des vagues de licenciements, et ça a duré jusqu'en 2018, où de 350 salariés, c'est retombé à une vingtaine de salariés en 2018. Et 20 salariés qui étaient mis au chômage partiel les trois quarts, disons la moitié du temps. La triste fin survient en septembre 2018, où là, Honeywell décide purement et simplement de fermer l'usine. Donc elle ferme l'usine, elle fait démolir les outils de production, ce qui fait que le bâtiment est vide et il n'y a plus de machine de production de masques. Et 18 mois plus tard, eh bien, la pandémie, le Covid-19 survient, et puis là, branle-bas de combat, parce qu'il n'y a pas assez de masques disponibles. des masques chirurgicaux et des masques FFP2. Les masques FFP2 étant en fait les seuls qui garantissent une bonne protection contre le virus. Si vous voulez, il me semble que ce que nous dit cette crise sanitaire, c'est qu'on ne peut plus du tout fonctionner comme avant. La sociologue Dominique Méda. C'est-à-dire qu'on ne peut plus du tout avoir ces vastes chaînes de valeurs complètement fragmentées à l'échelle mondiale, avec une dépendance invraisemblable des pays les uns par rapport aux autres. Mais je crois, et je vais encore plus loin, parce que je pense à tous ces plans sociaux dont on parle en ce moment, on ne peut pas non plus continuer à procéder comme avant, c'est-à-dire à tenter d'attirer les investisseurs étrangers, les multinationales, à faire en sorte de les supplier pour qu'elles viennent s'installer sur notre territoire, et pour cela, pour les attirer, d'abaisser sans cesse nos protections des travailleurs. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, il y a eu Goodyear, il y a eu Continental, il y a eu Molex, aujourd'hui d'autres multinationales, c'est toujours la même histoire, on essaye de les attirer, elles viennent s'installer, elles prennent des fonds publics, et puis un jour, elles décident de s'en aller, donc elles organisent la rétraction de leur activité, et puis elles s'en vont en ayant empoché l'argent et elles vont dans des territoires où le coût du travail est moins cher. Ces multinationales font ce qu'elles veulent. Le pouvoir politique crie, mais ne prend aucune mesure pour empêcher que ça recommence. Au contraire. Donc tout ça, tout ce raisonnement, si vous voulez, sur lequel on vit depuis 30 ans en France, la loi El Khomri, les ordonnances travail n'ont fait que pousser dans cette direction, en rendant leur installation plus facile et en rendant le licenciement toujours plus facile. Je pense que c'est tout ça qu'on doit remettre en cause. Vous voyez sur cette carte de France, on voit Porspoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et de Porspoder, on a tracé un trait jusqu'à Menton, complètement à l'opposé de la France. Et en fait, cette diagonale de Menton à Porspoder, c'est la plus grande distance qui existe dans l'Hexagone. Thomas Huriez, chef d'entreprise. Et nous, on s'est servi de cette distance pour parler d'une notion qui nous est chère, c'est la notion de proximité. 1083, c'est que tous les jeans et toutes les baskets que l'on fabrique, elles sont fabriquées à moins de 1083 km de chez nous. Puisque c'est de fait la distance la plus longue de l'Hexagone. Et il se trouve que Romans, la ville de ma mère, de mes grands-parents, est sur cette diagonale. Et Romans, c'est la capitale de la chaussure, c'est une ville qui a une longue histoire avec la mode, avec la chaussure, avec l'industrie. Et du coup, moi, comme j'ai grandi à Grenoble et que j'y allais tous les week-ends, ben, j'ai vu petit ces usines fermées. Et en même temps que je voyais ces usines fermées, j'apprenais à l'école que la France n'avait plus d'avenir dans la fabrication, qu'elle se plaignait par ailleurs du chômage, et que notre avenir, c'était le service. Mais à force de l'entendre et à force de voir des usines fermées, au bout d'un moment, c'est dissonant. Et on se dit, ben non, en fait, il faut qu'on ait des usines. Et là, avec le Covid, on voit à quel point c'est important. Cette incohérence-là, bon, on l'a tous vécu en France, mais ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on l'apprend à l'école. Et donc, ben là, on se réveille, mais des incohérences, il y en a plein. Quand vous regardez un jean de marque et un jean H&M, vous voyez qu'il y en a un qui est trois fois plus cher que l'autre. Bon, donc on dit que ça doit être trois fois mieux. Ben maintenant, quand vous quittez l'étiquette du prix et que vous allez sur l'étiquette de composition, vous allez trouver deux étiquettes semblables avec les mêmes matières premières et les mêmes pays où c'est fabriqué. Donc ça veut dire qu'à coût du travail égal et à qualité égale, à matériau égal, il y en a un qui est trois fois plus cher que l'autre. Et là, on s'aperçoit tout le problème des circuits lourds avec plein d'intermédiaires et toute la puissance des circuits courts qui étaient ceux que l'on avait en France pendant les 30 Glorieuses quand la France industrialisée. Et donc, ces dissonances-là, au bout d'un moment, elles nourrissent, puis après, on trouve des astuces pour les contrarier. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer 1083, comprenant aussi le décalage qu'il y avait entre le prix du produit et la réalité de sa qualité. Et c'est là où je me suis aperçu que grâce au circuit court, on pouvait donner beaucoup de compétitivité au Made in France. Dans le cas d'un jean 1083, il y a 98% des 100 euros dépensés par le client qui restent sur le territoire. Il y a la TVA, bien sûr, comme un jean lambda. Il y a le commerçant, comme un jean lambda. Il y a la marque, comme un jean de marque française. Mais nous, il y a l'atelier de confection, l'atelier de délavage, l'atelier de coupe, l'atelier d'ennoblissement, l'atelier de tissage, l'atelier de teinture. Et donc, sur 100 euros, il y a 98 euros qui restent en France. Les 2 euros qui manquent, c'est le coton, qui ne pousse pas en France, qui vient de Tanzanie, et les boutons érivés, qui viennent d'Italie. Il ne faut pas que j'achète à acheter pas cher. Sinon, si j'essaie d'acheter pas cher, eh ben, je vais dégrader ma qualité, je vais dégrader le respect de l'environnement, je vais dégrader ma production locale. Il faudra que je fasse des efforts là-dessus, donc je ferai moins bien. Or, c'est ce que je veux faire de mieux. En me disant, ben, en fait, je vais juste vendre en direct ma production. Ou avec peu d'intermédiaires, ou sans artifice commercial, qui coûte cher au final, comme le marketing, la pub et les soldes. Et très très peu de pubs. On en fait un petit peu, mais on y consacre 3-4% de notre chiffre d'affaires, alors que dans l'e-commerce, tout le monde consacre 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Il y a 7 ans, en 2013, quand on a commencé, on était deux, mon petit frère et moi, et on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, donc 6 ans plus tard, on a clôturé l'année à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a multiplié l'activité par 40, ce qui nous a permis de créer 150 emplois dans la filière textile, dont 70 emplois directs dans nos usines, ateliers, magasins, bureaux. Et c'est absolument extraordinaire parce que c'était pas du tout la trajectoire qu'on imaginait. J'ai appris ce métier de commerçant sur le tas puisque j'étais informaticien. Et depuis 7 ans, on est tracté par les commandes de nos clients qui nous obligent à produire plus, ou plutôt à produire mieux. Et pour faire ça, ben, il faut embaucher du personnel. Il y a une forme de souveraineté à travers la proximité. Et la deuxième souveraineté, elle est pour nous basée sur la diversité. C'est-à-dire que chaque savoir-faire que l'on relocalise, on le fait nous, mais on le fait faire aussi à des partenaires locaux. Et si même nous, on fait une erreur de gestion et que dans 2 ans, on n'était plus là parce qu'on a fait une bêtise ou une erreur ou je sais pas quoi, eh ben, on ne veut pas mettre en danger nos sous-traitants si on veut sincèrement relocaliser des filières. Et donc notre devoir, c'est qu'ils ne soient pas dépendants de nous et que nous, on ne soit pas dépendants d'eux. Mais ça, finalement, c'est simplement une goutte d'eau au milieu d'un océan de globalisation économique qui reste relativement aujourd'hui identique à ce que cela a été l'année précédente. Maxime Combe, économiste. Et on voit même des États, et notamment l'Union européenne, continuer à essayer de sauver le principe de cette globalisation économique et financière en continuant à négocier des accords entre l'UE et le Mercosur, les États du Mercosur, donc le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, qui va consister à approfondir cette globalisation et finalement vendre des voitures en Amérique du Sud pour importer plus de viande, d'éthanol et de soja. Effectivement, sur la partie stratégique, j'aimerais plus de débats, d'engagement des citoyens sur ce sujet. Mais je constate aussi qu'il y a des débats politiques ou médiatiques qui me paraissent avoir une place tout à fait démesurée par rapport à l'enjeu que je perçois. Par exemple, le coût du travail en France, ça prend une place incroyable dans le débat public. Et moi, je suis désolé, quand je vois 2 jeans fabriqués au Bangladesh, l'un de grande marque, l'autre d'une marque de fast fashion, qui sont les deux en coton, et quand je vois qu'à coût du travail égal, il y en a un qui est à 100 balles et l'autre à 30 balles, je me dis, il y a un truc là, ça peut pas être le coût du travail qui fait qu'il y en a un qui est 3 fois plus cher que l'autre, parce que c'est fabriqué au même endroit. Le sujet du coût du travail, il est beaucoup moins impactant que le coût de la distribution. L'industrie textile recrée des emplois depuis 2-3 ans, mais ce n'était pas arrivé depuis 30 ans, c'est des dizaines de milliers d'emplois qu'on a perdus, donc il y a encore énormément à faire, mais tout le monde y croit. Et moi j'y crois d'autant plus que si on se place dans la tête d'un grand dirigeant d'entreprise traditionnelle ou d'un dirigeant politique, là il ne s'agit pas de se dire « Ah, Made in France, c'est plus responsable ». Voilà, on a tellement été choqués en quelque sorte par notre fragilité collective économique avec le Covid, qu'une simple analyse de risque doit permettre à n'importe quel décideur de se dire oui, en fait, de mettre toute ma fabrication en Chine, c'est un peu couillon parce que si le bateau il coule, je perds tout. Donc nécessairement, ils vont faire des réajustements. Je pense pas du tout que tout va revenir en France. Ça va pas être un raz-de-marée. Mais ces gens-là, s'ils sont bons gestionnaires, ils vont se dire, bah, faut que je fasse un peu de déséquilibre, faut que je partage le risque. Et donc, faut que je produise un peu localement pour, ça me coûtera un peu plus cher, mais s'il y a un couac par ailleurs, au moins j'assure mes arrières. Et donc, je pense que cette logique d'analyse de risque, elle va conduire nécessairement pas mal d'entreprises à relocaliser une partie de la production. Et dans les décisions politiques qui ont pu être prises depuis le début de la pandémie, on ne note pas d'inflexion notable et radicale qui viendrait contredire cette logique d'expansion de la globalisation économique et financière depuis des années. Et donc du coup, on est à un moment, c'est facile à dire, mais un petit peu de carrefour. Et la question est de savoir finalement, est-ce que ce qui va l'emporter, ce sont les guerres économiques de tous contre tous? C'est une option qui est sur la table. Et donc ça, si, s'accompagnera avec des formes de souveraineté exacerbée visant à protéger tel ou tel secteur par rapport aux méchants compétiteurs voisins, mais sans aucunement remettre en cause les propres logiques néolibérales et capitalistes dans son propre pays. L'autre option, c'est de tenter de sauver le principe de la globalisation en disant et en montrant qu'on a favorisé telle ou telle activité sur le territoire national. C'est un peu aujourd'hui ce que prêche à la fois la Commission européenne et Emmanuel Macron. Et on peut se demander si derrière la relocalisation du paracétamol en France ne se cache pas finalement le vide d'une politique qui consiste surtout à essayer de montrer des exemples hauts dans l'espace médiatique, mais finalement où il n'y a pas de véritable politique à la fois territoriale, industrielle et de services pour finalement essayer de questionner la façon dont on produit et on fournit les biens et services essentiels aux populations qui sont concernées. Et la troisième option qui consiste à essayer de porter une exigence de relocalisation écologique et solidaire qui essaye de tenir compte du fait qu'il y a effectivement des interdépendances entre nos économies au niveau international et qui consiste à dire nous avons besoin de finalement que nos économies territoriales soient moins dépendantes des marchés internationaux et des approvisionnements internationaux et plus résilientes en local pour fournir ce dont les populations ont besoin. Et que donc, du coup, ça, c'est une étape de transition qu'il faut organiser, qu'il faut finalement, d'une certaine façon, planifier pour réduire l'impact environnemental de ces chaînes d'approvisionnement et finalement, également, donner la possibilité aux territoires de s'organiser en fonction des choix que vont porter les populations de ces territoires-là. En fait, on s'est tous aperçu avec la crise du Covid que bon, on n'était pas foutu capable de se fabriquer des masques, un carré de tissu avec deux élastiques, que nos doliprane ils venaient du bout de l'Europe, que on était faible en fait de plein de choses. Alors ensuite viennent directement les débats. Alors est-ce qu'il faut du Made in France? Est-ce que c'est le Made in Europe? Oui, mais alors comment on fait pour ça, etc. Et moi, je raisonne pas tant en termes de frontières plutôt que de hiérarchie de nos enjeux. Les besoins fondamentaux, c'est se nourrir, c'est se vêtir, c'est se protéger, c'est s'alimenter en termes d'énergie, certainement, c'est se défendre, en quelque sorte, aussi. Et donc, moi, j'attends d'un État souverain, stratège, qu'il nous aide à penser notre autonomie pour qu'on soit plus robuste et qu'on soit moins fragile à ces aléas qu'on va vivre nécessairement. Donc moi, je me dis, ben, tiens, ça serait intéressant que l'on définisse quels sont nos enjeux prioritaires et comment on les traite. Et donc, plus c'est prioritaire, à mon avis, plus on gagnerait à les relocaliser. Donc moi, je dis juste, ben, quels sont nos enjeux stratégiques et travaillons à les relocaliser, organisons-nous pour être forts sur ces sujets-là. Et à mon sens, c'est l'État qui doit porter ce débat-là et qui doit nous dire ce qui lui semble prioritaire, certainement débattre avec la population et suite à ça, ben, développer des stratégies, des plans d'action pour développer l'agriculture locale, pour développer le bio, pour développer des filières industrielles locales qu'on estime importantes à l'échelle de la ville, à l'échelle du département, à l'échelle de la région, à l'échelle de l'Europe, selon les régions. Mais qu'on ait une ligne directrice. Et là, pour l'instant, ben, on ne la voit pas trop. Ou plutôt, grâce au Covid, j'espère qu'on va la voir. Là, on fait le tour de Laval par le... On fait le tour de Laval par le nord. Et notre atelier se retrouve à l'est de Laval, dans une zone commerciale qui s'appelle la zone des Beausées. En fait, Laval a souffert évidemment, comme toutes les régions, de la crise économique et les conséquences de la crise sanitaire. Un grand nombre de personnes se sont inscrites à Pôle emploi. Et en fait, nous, on a rencontré beaucoup de gens candidats pour rejoindre notre atelier parce qu'ils avaient perdu leur job pendant la crise. Nous retrouvons Aymeric Motin, le patron des Mouettes Vertes. Donc la crise, elle s'est fait sentir ici très fortement. Dans l'industrie, la France a été le pays européen qui a le plus délocalisé, avec 1 million d'emplois perdus entre 2000 et 2016. Sur les 30 dernières années, 1,5 million d'emplois ont été perdus. Dans le textile, le secteur d'Aymeric Motin, là aussi on connaît l'histoire. Dès les années 70, la France a vu disparaître ses métiers à tisser et ses ateliers de confection vers des pays offrant un coût de la main-d'œuvre moins élevé. À la faveur de la pandémie, ce petit patron breton veut voir, à son échelle, la relocalisation comme un possible levier sur l'emploi. Voilà, on est juste arrivé. Ici, c'est à droite. Voilà. On est à ce moment-là autour du 25 mars et ça ne se décrète pas de dire « je vais monter un atelier ». J'ai commencé par prendre des annuaires, des élus du Grand Ouest, et puis à force de mails, à force de coups de téléphone, des opportunités ont surgi. 5 villes se sont portées candidates très généreusement pour nous accueillir. Il y avait Cholet, Saint-Nazaire, Rennes, Château-Gontier et puis Laval. Je leur ai expliqué le projet. Tout ça se fait par téléphone, par Zoom, par email. Depuis la Bretagne pour moi, avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, parce qu'honnêtement, on savait vraiment pas vers quoi on allait, c'est-à-dire que tout était incertain et on ne pouvait rien promettre sur le long terme. L'atelier des Mouettes, c'est un atelier de confection, avec aujourd'hui une vingtaine de personnes dans un atelier de 1000 mètres carrés avec des postes de couture, surjeteuse, piqueuse plate, des postes à la coupe pour dérouler le tissu et le couper aux dimensions nécessaires et des postes ensuite à la partie repassage, conditionnement, expédition. Voilà, un ensemble de 1000 mètres carrés au cœur de Laval, puisqu'on est dans la zone des Beausées. On est à proximité d'un McDo, d'un Conforama, d'un Leclerc. Donc finalement, un environnement assez urbain et très agréable pour travailler. On fait des masques, on fait également d'autres produits qui sont les produits classiques de la gamme des Mouettes Vertes, des produits toujours écologiques et qui sont des sacs, des trousses, des équipements professionnels, également des lingettes démaquillantes réutilisables en coton bio. Si on prend acte de ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et de la gravité de la crise écologique, il faut absolument développer sur notre territoire des emplois. Est-ce que la crise que nous traversons et l'envie de cette reconversion écologique ne devrait pas nous amener justement à réfléchir à une nouvelle organisation des activités sur le territoire et donc à remettre plus d'activités, peut-être à organiser plus d'autosuffisance, de petits territoires, de petits villages, de centres-villes. Je pense que ce serait important de réintroduire cette idée d'aménagement du territoire qu'on a complètement oublié, hein, on n'a plus la DATAR. Est-ce qu'il faut qu'on laisse se prolonger ce processus de métropolisation avec des gens de plus en plus étouffés, écrasés dans des villes qui rassemblent la plupart des emplois, ou est-ce qu'on a envie, au contraire, et ça rejoint les aspirations de nombre de personnes, hein, de redistribuer l'activité sur l'ensemble du territoire? Ça veut dire Ça veut dire que là, avec le plan de relance, il faudrait qu'il y ait des conditionnalités non seulement sociales, non seulement environnementales, mais aussi qu'elles s'inscrivent dans une sorte de réflexion sur la redistribution des activités sur l'ensemble de la France. Ils nous ont mis en contact avec l'équipe de Pôle emploi, hyper efficace, qui nous ont dit, je pense que le mieux, c'est que nous, on fasse un mailing à l'ensemble des candidats Pôle emploi. On peut organiser une réunion d'information et puis on avance. Voilà. Donc sur ce thème de l'emploi, on a commencé par faire un zoom dans lequel je me suis présenté. Plus d'une centaine de personnes ont rejoint la réunion. J'ai expliqué le projet, j'ai fait part des doutes, des incertitudes. Et je leur ai simplement dit, écoutez, voilà, si vous avez, vous aussi, un peu de temps libre aujourd'hui, vous avez le goût pour la couture, venez nous rejoindre. On ne demande aucune qualification. On veut simplement prendre des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de job parce que le projet est incertain. C'est vrai que la période de chômage, je l'ai mal vécue parce que, disons qu'on a une famille, en fait. On a 3 enfants, des enfants qui nous coûtent cher, en fait. Enfin, ils sont aux études à Angers. Enfin... Christelle, couturière. Mon mari travaille, mais avec un salaire, ça ne suffit pas. Et mon mari est chauffeur-livreur. Et donc, pendant cette période de recherche d'emploi, c'est vrai, je ne suis pas sereine. J'ai beaucoup d'angoisse, de période de comment on va faire pour boucler les fins de mois, comment on va faire pour payer tout ça. Enfin, et je suis tous les jours sur la recherche d'emploi. Tous les jours, je suis sur Internet, je suis sur le journal, je suis sur le téléphone, je suis en train de rechercher des annonces, en train de postuler. Je postule partout. Je postule en tant qu'aide comptable, aide administrative, couturière. Et puis, j'aime pas ne rien faire. Donc, pour moi, rester à la maison, ne rien faire, c'est pas possible. Ensuite, il s'est passé le confinement. Et le confinement, je continuais à chercher, mais j'ai un peu baissé les bras parce que les annonces étaient toujours les mêmes. Vous postulez une fois, deux fois, vous n'avez jamais de réponse. Le confinement, on entend les médias, on entend la télé, on dit que le travail va pas bien, qu'il y a des licenciements partout. Et là, on se dit, mais on n'en retrouvera pas tout de suite du moins. Donc voilà, le moral n'était pas bon. C'était compliqué parce que on sait pas en fait ce que ça va donner. Donc on sait pas. Donc le doute, l'incertitude, pas savoir ce que demain va, enfin ce qu'on va avoir demain, ce qu'on aura pour vivre. C'était au mois de mai. Je vois une annonce sur Pôle emploi, c'était les mouettes vertes qui recherchaient des personnes pour créer une entreprise à Laval. Donc plusieurs personnes de mes alentours m'ont dit « mais vas-y toi, qui s'écoute, qui sait ?» On m'a dit « mais j'ai eu plein de copines, tout ça, qui m'ont dit, qui m'ont envoyé le message. » J'ai dit « oui, je sais, j'ai vu. Bah, vas-y, postule !» Du coup, j'ai postulé. Et l'entretien s'est bien passé. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu d'entretien, donc du coup, le fait de revoir un entretien, ça me remettait le pied à l'étrier aussi, de me dire, ça y est, ça bouge un petit peu. Donc, puis après, j'ai été retenue pour commencer le 12 mai. Je fais de mon mieux, je m'épanouis ici, je suis contente, donc je fais attention, je sais que je suis en CDD, donc je suis plus prudente. Là, il est renouvelé jusqu'à fin janvier. Donc, déjà, c'est bien. Et puis après, bien, j'espère qu'il y aura d'autres, encore du travail pour encore un autre CDD. Voire un CDI. Un vrai. Toutes les personnes que l'on a recrutées sont des personnes qui étaient sans emploi au moment où on l'a fait et qui, pour l'essentiel, avaient perdu leur poste pendant la crise, à la fin d'un CDD, fin d'une période d'intérim. C'est vraiment sur cette population qu'on a été recruté. Et donc, on a organisé deux sessions de deux journées complètes pour rencontrer les candidats, découvrir leur CV et proposer des postes. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant ces entretiens, c'est de voir des gens qui avaient 25-30 ans d'expérience dans le textile, qui parlaient des entreprises dans lesquelles elles avaient travaillé, qui avaient les unes après les autres fermées. Et honnêtement, c'est assez flippant quand on est en train de monter un atelier textile, de voir que toute l'histoire de la région, l'histoire de ces gens-là, est marquée et traumatisée par des fermetures qui se sont succédées sur les dernières décennies. Par là. Oui. Donc en fait, ça va de là-bas, le bâtiment jusqu'au fond, et on va à peu près jusqu'à la partie verte que vous voyez là-bas. 25 000 mètres carrés. Sur ces questions-là, l'opinion publique a basculé. Il y a 20 ans, jamais on n'aurait eu une opinion publique prête à accepter d'entendre que l'avenir, c'était la relocalisation écologique et solidaire. Il y a 20 ans, c'était la mondialisation heureuse d'Alain Mac. C'était Pascal Lamy, directeur de l'OMC, qui nous expliquait qu'il n'y avait pas d'alternative à signer toujours plus d'accords de libre-échange et que ceci allait bénéficier à l'ensemble des populations de la planète. Maxime Combe, économiste. Aujourd'hui, ce discours ne fait plus recette. Et donc, du coup, on a la nécessité d'accompagner et d'organiser cette transformation extrêmement profonde et qui va prendre du temps de notre économie mondiale et de nos économies régionales et nationales. Et donc c'est la place, effectivement, pour de la régulation, c'est la place pour ne plus simplement considérer que le secteur économique doit simplement être incité via des baisses d'impôts ou des suppressions de régulations. Ça, c'est ce que nous observons depuis 20 ou 30 ans. Là, aujourd'hui, clairement, il y a un appel et un terreau favorable pour que les pouvoirs publics considèrent qu'ils ont leur part à jouer importante pour réorienter l'économie, pour réorienter les marchés et faire en sorte que, à un moment donné, on puisse aisément, dans une collectivité territoriale, préserver les producteurs locaux au détriment des entreprises multinationales qui délocalisent les profits, utilisent les paradis fiscaux, s'approvisionnent aux quatre coins de la planète avec des désastres environnementaux extrêmement importants. Je retrouve Jean-Jacques Fuant, ce dirigeant à la retraite qui m'avait raconté le naufrage de l'usine de masques de Plaintel. La suite de son récit est l'histoire d'une renaissance. Nous sommes en face d'un bâtiment qui force le respect. 25 000 mètres carrés, vide, inutile, mais prêt à accueillir la détermination de ceux qui veulent inverser la tendance de la délocalisation. Ici, c'était l'ancienne usine de chez Chafoto et Maury, qui est un gros fabricant de chaudières, et qui a fermé ses portes il y a une dizaine d'années, après avoir été racheté eux aussi par des groupes, et un groupe italien le dernier. Et donc, ils ont licencié, il y a eu jusqu'à 2200 salariés ici. Et finalement, les derniers Italiens ont pompé le sang de cette entreprise en transférant les fabrications et surtout la technologie, parce qu'il y avait beaucoup de technologies d'avant-garde. Ben, ils ont transféré ça en Italie et ailleurs, où la fabrication était moins chère. Et ça a été le Al-Ali, c'est la même chose. Hein, de 2000 salariés, c'est tombé à 1000 et puis à 600. Et puis quand le dernier propriétaire, le groupe italien Merloni, a acheté ici, à la fin, il y avait 500 salariés, quoi. Alors Jean-Jacques Fouan, on est avec vous dans cet immense espace industriel, 25 000 mètres carrés. On est 18 mois après la fermeture de l'usine de masques de Plaintel. Et vous êtes aujourd'hui à la retraite. Oui. Et vous travaillez à ce qu'une usine renaisse ici de ses cendres. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, à cause de cette pénurie de masques, il y a eu de la réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait redémarrer une usine. Donc Franck Lecoq, ici présent, qui m'avait succédé à la direction de l'usine de Plaintel, m'a contacté. Donc on a réfléchi, on a commencé à constituer un groupe de travail avec des anciens de l'usine qui occupaient des postes clés. Et sur ces entrefaites, on est mis en relation avec un homme d'affaires suisse. On propose à ce monsieur-là de nous rencontrer pour échanger. Et donc on a un contact avec lui le dernier week-end d'avril, où pendant 3 jours, avec Franck, on potasse, on échange, il commence par nous dire pourquoi je ferais mon usine à Ploufragan, en Bretagne. Eh bien, on lui dit, mais parce que on a le savoir-faire, on a des gens qui ont l'expérience, puisque c'est des anciens de Plaintel, parce que pour fabriquer des masques, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est technique, il faut des machines, il faut savoir s'en servir. Et donc, il est convaincu. Et le mardi, on lui présente en visioconférence le local ici. Du coup, il dit, j'achète les 25 000 mètres carrés. Donc ici, la crise sanitaire aura servi à relocaliser pour envisager plus sereinement les crises à venir. Absolument. Ça a surtout permis de mettre en exergue le fait que la France était complètement dépendante de pays comme la Chine. Franck Lecoq, chef d'entreprise. Sur la partie fabrication de masques, alors qu'on avait ce savoir-faire encore jusqu'à 2 ans. Et nous, étant les anciens ou ayant travaillé longtemps dans cette entité, l'avoir fermé, c'était vraiment un supplice. Alors vous allez diriger ce site, c'est ça ? Tout à fait. Et vous venez de Pologne ? Tout à fait. Et effectivement, j'étais en Pologne depuis plus de 10 ans, basé à Varsovie. Et étant natif de Ploufragan, revenir sur mes traces, ma famille habite ici. Donc effectivement, revenir en Bretagne est pour moi, à mon âge maintenant, bientôt 50 ans, une super opportunité. On en a un peu marre aussi qu'il y ait tant de délocalisation en Chine, qu'on a arrêté des pans entiers de l'industrie parce que ça coûtait moins cher en Chine. Toujours cet aspect de finance et de vouloir gagner plus. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut aussi prendre en considération l'aspect humain. Les pertes d'emploi, ça devient dramatique maintenant. On n'est plus à la sortie de la guerre où il y avait plein de travail. Là, au contraire, aujourd'hui, on est vraiment à la recherche de création d'emplois. Et si nous, on peut jouer un petit rôle là-dedans, on sera plus que contents. Notre objectif, c'est de se dire, effectivement, il y a eu cette crise sanitaire. Qu'on apprenne de ce qui s'est passé. Est-ce que l'aventure que vous êtes en train de vivre aurait eu lieu sans la crise sanitaire ? Probablement pas. Mais elle a effectivement permis de à l'État français, à toutes les personnes qui habitent sur le territoire, de se rendre compte qu'on avait perdu un véritable savoir-faire. Mais au-delà de ça, c'est pouvoir se dire qu'en France, on est capable de faire des choses, et notamment dans la santé. On souhaite aller beaucoup plus loin en apportant l'innovation, mais on ne veut pas faire que des masques non plus. On veut être un pôle de compétences sur une activité sanitaire au sens large. Et ça, pour nous, en tant que Français, on doit pouvoir le faire et on sait le faire. Aujourd'hui, il y a déjà 20 collaborateurs d'embauchés qui vont permettre le redémarrage de l'activité entre la partie immobilière, la partie technique, notamment sur l'achat des machines. Et à moyen terme, on sera, début d'année prochaine, on va dire qu'on sera quasiment 50. Et à plus long terme, à 2 ans, on sera entre 100 et 200 collaborateurs. Plus les emplois induits, parce qu'on fera travailler des fournisseurs, des sous-traitants. Et donc, généralement, c'est pratiquement, ça double le nombre d'emplois. C'est inespéré, dans ces locaux ici, d'avoir attiré des entreprises qui vont faire de la production. C'était aussi inespéré. Le promoteur ici pensait que ça serait plutôt du stockage, de la logistique, créant peu d'emplois. Et là, qui aurait imaginé que sur ces 25 000 m2, on allait avoir un investisseur qui allait créer 100, 200, 300 emplois. C'est inespéré. Je pense que c'est un coup de semonce important, cette pénurie de masques. On se rend compte aujourd'hui du danger de ne pas avoir des produits stratégiques qui sont fabriqués dans le pays. On a déjà eu des alertes importantes dans le cadre des médicaments. Pourquoi est-ce que tous les agents actifs pour faire des médicaments sont fabriqués en Chine? Alors, c'est un raisonnement, et en tant qu'ancien chef d'entreprise, on y est sensible. Pourquoi est-ce qu'on a une aggravation du chômage et qu'il y a des entreprises et des groupes qui ne pensent qu'au profit, délocaliser pour gagner plus d'argent? À partir du moment où il y a une rentabilité dans une entreprise, on n'a pas besoin de vouloir gagner encore plus en délocalisant. On doit avoir le respect sociétal du pays, de la nation, l'amour de son pays et de son territoire. Et on doit aussi participer autant qu'on peut au développement économique, à la création d'emplois et au bien-être des citoyens. Donc, humainement, c'est un challenge qui requiert effectivement beaucoup d'attention de notre part. Et tous les collaborateurs qui sont là aujourd'hui sont tous dans cet état d'esprit. C'est pouvoir se dire « je vais contribuer à quelque chose qui sert à tout le monde ». Ici, Monsieur Chatila, le principal investisseur, l'unique investisseur de ce site, vous demande de délocaliser. Alors, ça sera sans moi. Ça sera sans moi aussi. C'était les entreprises après la Covid, vers la relocalisation, par Rémi Dibowski-Douat, avec Aymeric Motin, Jean-Jacques Fuant, Dominique Méda, Thomas Huriez, Christelle, Maxime Combe et Franck Lecoq. Prise de son Benjamin Thiot et Pierre Monteil. Mixage Antoine Viossa. Réalisation Franck Lilin. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter devant l'usine fermée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter où vous voulez et quand vous voulez, le podcast sur l'application Radio France, ailleurs, et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, télétravail, l'Eldorado du monde d'après. Et pensez aux autres rendez-vous documentaires de France Culture, toute une vie, l'expérience, une histoire particulière et les pieds sur terre.